sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Bonsoir et bienvenue à La Dernière Porte à Gauche qui a fait relâche la semaine dernière pour le Festival Urbain. Mais me voici de retour aujourd'hui avec une heure de musique francophone comme d'habitude et beaucoup de nouveautés cette semaine parce que c'est l'automne, c'est la saison pour lancer les nouveaux albums. Il y en a plein qui sont arrivés assez fous cette semaine du côté francophone. Il y a entre autres en fait aussi c'est beaucoup de pièces de groupes qui sont rentrés dans le palmarès cette semaine. Ça donne bien. Les groupes sont déjà dans les palmarès, ça joue déjà assez fou. Donc on a entre autres le nouvel album de Elephantine, le bonheur en 3D. On a aussi du Orange Orange. Je vais vous faire passer ça dans la prochaine heure. Une nouveauté de Orange Orange. Aussi, nouveauté de... Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Nouveauté de Mille Monarques. Oui, c'est ça, un nouvel album de Mille Monarques qu'on a reçu, que je vais vous faire passer. Mais on va commencer avec un groupe que vous connaissez déjà, qui a déjà fait partie des palmarès récemment. Ils vont être en spectacle aussi samedi, demain, le 29 août. C'est le groupe Lac Estillon. Et on va écouter la pièce « Et moi ». On écoute tout de suite à La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Je m'en retrouve pogné comme un con à me poser toujours les mêmes maudites questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer d'air? Et nous irons comme ça. chasse ouverte. Les enfants armés jusqu'aux dents tombent comme des grains de sable au milieu du désert. Les dieux des montagnes fatigués, les dieux détournent leur regard. Du soleil qui brûle de plus en plus fort et des glaciers qui fondent dans le nord. À vos marques, prêts, partez demain, demain sûrement. Nous atteindrons la fin des temps. Sur les écrans, comme si nous y étions, nous verrons l'Occident disparaître sur l'océan. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. À vos marques. S'écrase dans le vide. Demain, demain sûrement, nous atteindrons le bout du monde. Servant ou servi, esclave et maître aujourd'hui. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Thomas Hellman avec la pièce Pré-Partez, c'est ce qu'on vient juste d'entendre. Avant ça, il y avait eu Le Roi Poisson avec la pièce Le Con et Le Bloc avait commencé avec La Question et la pièce Et moi, et je vous rappelle que La Question sont en spectacle ici à Trois-Rivières. C'est demain, le 29 août, c'est demain soir, samedi. C'est du côté du bar Le Paradoxe. C'est peut-être une place où vous n'êtes pas habitué d'aller voir des spectacles. Ça fait peut-être pas partie de votre relais habituel pour voir les spectacles. Mais bon, c'est tout près du centre-ville ici. Puis je sais pas, peut-être que c'est une nouvelle vocation que Le Paradoxe veut se donner d'avoir des spectacles un peu plus jeunes, ou je sais pas trop, mais bon, peu importe. La question, c'est avec Les Connards à l'Orange aussi, deux groupes qui vont être au Paradoxe en fin de semaine. On va continuer en musique avec un nouvel album qu'on a reçu récemment, je vous en parlais au début de l'émission, c'est celui d'Elephantine qu'on attendait quand même depuis un bout de temps parce qu'on avait reçu le EP ici de 5 pièces et on a reçu l'album complet, donc leur premier album qui s'appelle Le Bonheur en 3D. J'en avais déjà fait passer un extrait il y a quelques semaines de ça parce qu'il y avait des pièces disponibles sur MySpace. Et puis, c'est ça, là, j'ai écouté l'album au complet, finalement, d'Elephantine. Toujours fidèle dans leur son, on reconnaît vraiment la musique d'Elephantine, mais une petite différence au niveau du rythme, je trouve, des pièces un petit peu plus courtes, construites de façon un peu moins prog. Ça donne quelque chose de peut-être un petit peu plus pop, un petit peu plus écoutable facilement, je dirais. Là. Pas que c'était pas écoutable avant, mais sans dire que c'est rendu de la pop super facile, c'est plus accessible, je dirais, maintenant, la musique de Elephantine, excusez-moi. Et on va écouter tout de suite un extrait de cet album-là, Bonheur en 3D. On n'écoutera pas Une clope, un café, qui est la pièce qui joue sur le palmarès francophone ici, mais je vous propose plutôt d'aller écouter Debout dans la file. C'est une pièce qui sonne un petit peu plus rock et vous allez voir ce que je veux dire par des pièces un petit peu plus rythmées et un petit peu plus accessibles. Donc on écoute Debout dans la file de Elephantine. Je vais en enfer. Je voulais faire de mon

89,1 FM, la radio autrement. Toujours à l'émission La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Juste avant la pause, on avait entendu Vanesse Pariéter avec la pièce Vanesse Pariéter. On avait aussi entendu une nouveauté du groupe Éléphantine. Ça se retrouve sur leur nouvel album Le Bonheur en 3D. C'est disponible partout en magasin. Je pense que c'est assez bien distribué, cet album-là. Maintenant, on va continuer en musique. Dans le prochain bloc, il va y avoir une autre nouveauté. C'est l'album de Mille Monarques qu'on a reçu cette semaine. L'album complet de Mille Monarques parce qu'on avait déjà le démo ici. Il y avait trois pièces qu'on avait beaucoup aimées, qui avaient joué dans le palmarès pas mal. Ça avait été un pas pire succès, ça, Mille Monarques. Et puis là, on a reçu l'album au complet. Donc, je vous en fais passer une nouvelle pièce tout à l'heure. Mais tout de suite, on écoute une nouvelle entrée dans le palmarès francophone. C'est La Marelle du groupe La Patte Rose. C'est 7, 8, 9, 10.

La pièce rouge du groupe Mille Monarques, ça se retrouve sur leur nouvel album homonyme. C'est une pièce aussi que vous pouvez entendre dans les palmarès francophones. C'est une nouvelle entrée cette semaine. Vous pouvez consulter les palmarès au complet aussi. La grille horaire de la nouvelle programmation d'automne 2009 sur le www.cfou.ca. Juste avant Mille Monarques, on avait entendu une autre nouveauté. C'était la nouvelle pièce de Orange Orange. L'album s'appelle Sors-moi. C'est un EP. C'est un album que vous aurez peut-être un petit peu plus de difficulté à trouver parce qu'il n'est pas distribué, je crois. En tout cas, la façon la plus facile de vous le procurer, je pense, ce serait sur iTunes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Sinon, un petit peu plus dur à trouver. Peut-être que celui de Mille Monarques, mais bon, très bon album, celui de Orange Orange, très électro. On connaissait seulement la pièce Et je pleure. C'est assez fidèle à cette pièce-là, le reste de l'album. Même une reprise sur l'album Sors-moi de Orange Orange, une reprise de Céline Dion, Je danse dans ma tête. C'est assez particulier. Je sais pas si je vais la faire passer un jour parce que je trouve qu'il y a des reprises des fois qui sont mieux réussies que d'autres. Puis je trouve que celle-là est un petit peu trop authentique. On entend un petit peu trop l'original quand on écoute la pièce. Mais peut-être qu'un jour je me risquerai avec. Cette reprise de Céline Dion. Il reste encore une nouveauté, un nouveau groupe que je vais vous faire découvrir dans l'émission. Ça s'appelle Ludopine. C'est un groupe français. On a reçu l'album à la station cette semaine et puis ça est rentré dans les palmarès francophones déjà. Donc c'est dans le prochain bloc qu'on va entendre du Ludopine, mais on commence tout de suite avec quelque chose un petit peu plus connu que vous risquez de connaître à ces bivouacs avec la pièce Hostie de Saint-Bordel. Vous écoutez toujours La Dernière Porte à Gauche, raison de C'est Fou, 89.1 FM.

comprendre. Je t'arracherai au firmament. Alexandre Desilets avec la pièce Mission Apollo. Juste avant ça, on avait entendu Ludopin. C'est donc, comme je vous le disais, un nouvel album qu'on a reçu ici à C'est fou. Et la pièce Qu'est-ce qu'on s'en foutait? C'est une nouvelle entrée sur le palmarès francophone. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi à 20h, toujours pour la dernière porte à gauche. Et comme vous l'avez probablement déjà entendu plusieurs fois, dès le 8 septembre pour l'émission quotidienne qui s'appelle Assemblage requis, ça va être du lundi au jeudi de 15h à 17h. Vous pouvez suivre toutes les nouveautés, tout ce qui se passe concernant cette émission-là sur le www.assemblagerequis.com et allez faire un tour sur le www.cfou.ca pour vous tenir au courant de toutes les nouvelles émissions quotidiennes parce qu'il va en avoir trois. Donc, toutes les infos sont sur le www.cfou.ca. On va se laisser avec les trois accords et une nouvelle pièce. Je ne sais pas s'il y a un nouvel album qui est prévu pour les trois accords. En tout cas, je sais qu'ils ont fait la chanson thème du film de Père en flic et aussi cette pièce qu'on va écouter tout de suite, caméra vidéo. Et en attendant le Festival de la Poutine qui a lieu la semaine prochaine, je pense, à Drummondville. Les gars sont en train d'organiser ça, le Festival de la Poutine. Mais pour l'instant, on écoute caméra vidéo des trois accords. Bonne semaine. Je vous laisse avec les lutins de l'enfer. Bye bye. Donc, la pièce caméra vidéo des trois accords à la dernière porte à gauche. Tout seul, je pars avec mon appareil photo. Derrière la gare, les passants, même les escabeaux. Préfère encore traverser par la flamme.